Salut auditeurs, c'est Léopold. Cet été, je t'annonce que j'anime une émission de radio pendant tout le Festival d'Avignon. 20 minutes quotidiennes pour en apprendre un peu plus sur l'humour en général et les humoristes qui sont à Avignon pendant le Festival d'Avignon. J'espère que j'ai dit assez Avignon. Cette émission sera enregistrée juste avant la scène ouverte, le best-of qui se passe à Avignon avec des jeunes humoristes. Ça va être vraiment cool. Alors abonne-toi et suis-nous.